La Prime. Quoi? Tu fais des sous d'un pas capo. C'est que t'es comme moi. C'est que t'es comme moi. La rue c'est plus dangereux qu'un coma. Vrai, me suivez, me supporte. Je vous oublie pas. Non. La vie est courte, monsieur. Donc faut des armes, du courage, du vice, de l'honneur. Petit frère, sois fier. Regarde-moi, là ouais. Le jour, la veille, de ma paye. Je dors pas, l'ivresse, la faim. Des billets, de mon repas. Ouais, ouais, la guerre pour faire ma vie. Protéger la mine, tirer sur l'ennemi. Vider dans le mille, hein. Tout niqué, des frères ont embrassé la mort. Ça et des médis, des vrais soldats. Je vous oublie pas, hein. Vais-je pouvoir un jour me reposer? Mon père t'a fait la nuit le dos café. Combien dans ta vie l'ont fini pendu? À 15 ans je volais des sous, j'ai jamais grandi. Pourquoi mon cœur est maudit? Avec la faim, je suis parti de rien, je voulais voir le monde, donc j'ai volé. L'estomac noué, jeune et doué. J'ai fumé le roi qui me croyait dévoué. Lové, mon Dieu, toi seul peux me sauver.